la fenêtre ouverte, aux cris perçants des mouettes, on aperçoit le phare. Dans la relâche du soir, assise en tenue d'Ève, Ophélie fume et souffle. Comme des volutes s'élèvent, en courbe grise dans l'air, par où la nuit s'engouffre. Elle me dit ses voyages, l'avenir qu'elle envisage sur l'autre hémisphère. Par la fenêtre ouverte, une dernière cigarette qui brûle dans le soir. Par la fenêtre ouverte où j'ai passé la tête, j'ai fait semblant de croire que cette fille comète se changerait en l'étoile qui brille là-haut ce soir. Elle est généreuse, mais le sourire à la ronde veut parcourir le monde. Ophélie est heureuse, ses seuls mâts de cocagne sont la mer, la montagne. Car elle sait venimeuse, la vie pieds et mains liées, le crédit, la télé. On ne peut pas être sage et être aventurière, vivre et faire carrière. S'habituer à sa cage, à la mort sédentaire, ou vivre l'éphémère. Par la fenêtre ouverte, une dernière cigarette qui brûle dans le soir. Par la fenêtre ouverte, où j'ai passé la tête, j'ai fait semblant de croire que cette fille comète se changerait en l'étoile qui brille dans le soir. Ophélie affalée sur le grand lit des fées ne dit jamais je t'aime. Ophélie se fait fort de bien tenir les rênes dans sa course au trésor, mais parfois s'abandonne pour mieux croquer la pomme que lui tendent les hommes. Ophélie plus féline me sourit et me frôle, dégage son épaule. Je la suis de mes yeux, fixant le bleu des siens, je la suis de mes mains.